Livre six, première partie du Paradis perdu de John Milton. Traduit par François René, vicomte de Chateaubriand. Cet enregistrement LibreVox fait partie du domaine public. Enregistrement par Thomas Copeland. Livre six, première partie. Argument. Raphaël continue à raconter comment Michel et Gabriel furent envoyés pour combattre contre Satan et ses anges. La première bataille décrite. Satan, avec ses puissances, se retire pendant la nuit. Il convoque un conseil, invente des machines diaboliques, qui au second jour de la bataille mirent en désordre Michel et ses anges. Mais à la fin, arrachant les montagnes, ils ensevelirent les forces et les machines de Satan. Cependant, le tumulte ne cessant pas, Dieu, le troisième jour, envoya son Fils, le Messie, auquel il avait réservé la gloire de cette victoire. Le Fils, dans la puissance de son Père, venant au lieu du combat, ordonnant à toutes ses légions de rester tranquilles des deux côtés, se précipitant avec son char et son tonnerre au milieu des ennemis, les poursuit, incapables qu'ils étaient de résister, vers la muraille du ciel. Le ciel s'ouvrant, ils tombent en bas, avec horreur et confusion, au lieu du châtiment préparé pour eux dans l'abîme. Le Messie retourne triomphant à son Père. Toute la nuit, l'ange intrépide, non poursuivi, continua sa route à travers la vaste plaine du ciel, jusqu'à ce que le matin, éveillé par les heures qui marchent en cercle, ouvrit sa main de rose les portes de la lumière. Il est sous le mont de Dieu et tout près de son trône, une grotte qu'habite et déshabite, tour à tour, la lumière et les ténèbres en perpétuelle succession. Ce qui produit dans le ciel une agréable vicissitude, pareille au jour et à la nuit. La lumière sort, et par l'autre porte, entre les ténèbres obéissantes, attendant l'heure de voiler les cieux, bien que là les ténèbres ressemblent au crépuscule ici. Maintenant l'aurore se levait, telle qu'elle est dans le plus haut ciel, vêtue de l'or de l'empyrée. Devant elle s'évanouissait la nuit, percé des rayons de l'Orient. Soudain, toute la campagne, couverte d'épais et brillants escadrons, rangés en bataille, de chariots, d'armes flamboyantes, de chevaux de feu, réfléchissant éclair sur éclair, frappe la vue d'Abdiel. Il aperçut la guerre dans son appareil, et il trouva, déjà connu la nouvelle qu'il croyait apporter, il se mêla plein de joie à ses puissances amies, qui reçurent avec allégresse et avec d'immenses acclamations, le seul qui, de tant de myriades perdues, le seul qui revenait sauvé. Elles le conduisent, hautement applaudi, à la montagne sacrée, et le présentent au trône suprême. Une voix, du milieu d'un nuage d'or, fut doucement entendue. Serviteur de Dieu, tu as bien fait. Tu as bien combattu dans le meilleur combat. Toi, qui seul as soutenu contre des multitudes révoltées la cause de la vérité, plus puissante en parole qu'elles ne le sont en armes. Et pour rendre témoignage à la vérité, tu as bravé le reproche universel, pire à supporter que la violence, car ton unique soin était de demeurer approuvé du regard de Dieu, quoique des mondes te jugeassent pervers. Un triomphe plus facile maintenant te reste, aidé d'une armée d'amis, c'est de retourner chez tes ennemis plus glorieux que tu n'en fus méprisé quand tu les quittas, de soumettre par la force ceux qui refusent la raison pour la loi, la droite raison pour la loi, et pour le roi, le Messie, régnant par droit de mérite. Va, Michel, prince des armées célestes, et toi, immédiatement après lui en achèvement militaire, Gabriel. Conduisez au combat ceux-ci, mes invisibles enfants. Conduisez mes saints armées, rangés par milliers et millions pour la bataille, égaux en nombre à cette foule rebelle et sans Dieu. Assaillez-les sans crainte avec le feu et les armes hostiles, en les poursuivant jusqu'au bord du ciel. Chassez-les de Dieu et du bonheur vers le lieu de leur châtiment, le gouffre du Tartare, qui déjà ouvre large son brûlant chaos pour recevoir le chute. Ainsi parla la voix souveraine, et les nuages commencèrent à obscurcir toute la montagne, et la fumée à rouler en noirs torses, en flammes retenues, signal du réveil de la colère. Avec non moins de terreur, l'éclatante trompette éthérée commence à souffler d'en haut. À ce commandement, les puissances militantes qui tenaient pour le ciel, formées en puissant carré, dans une union irrésistible, avancèrent en silence leurs brillantes légions, au son de l'instrumentale harmonie qui inspire l'héroïque ardeur des actions aventureuses sous des chefs immortels pour la cause de Dieu et de son Messie. Elles avancent fermes et sans se rompre. Ni haute colline, ni vallée rétrécie, ni bois, ni ruisseau ne divisent leur rang parfait, car elles marchent élevées au-dessus du sol, et l'air obéissant soutient leurs pas agiles, comme l'espèce entière des oiseaux rangés en ordre sur elles furent appelés dans Éden pour recevoir le nom de toi, ô Adam. Ainsi les légions parcoururent maints espaces dans le ciel, maintes provinces, 10 fois grandes comme la longueur de la terre. Enfin, loin à l'horizon du nord, se montra d'une extrémité à l'autre une région de feu, étendue sous la forme d'une armée. Bientôt, en approchant, apparurent les puissances liguées de Satan, hérissées des rayons innombrables, des lances droites et inflexibles. Partout, casques pressés, boucliers variés, peints d'insolents emblèmes. Ces troupes se hâtaient avec une précipitation furieuse, car elles se flattaient d'emporter ce jour-là même, par combat ou surprise, le Mont-Dieu, et d'asseoir sur son trône le superbe aspirant, envieux de son empire. Mais au milieu du chemin, leurs pensées furent reconnues folles et vaines. Il nous sembla d'abord extraordinaire que l'ange fît la guerre à l'ange, qu'ils se rencontrassent dans une furieuse hostilité, ceux-là, accoutumés à se rencontrer si souvent, unis aux fêtes de la joie et de l'amour, comme fils d'un seul maître et chantant l'éternel Père. Mais le cri de la bataille s'éleva, et le bruit rugissant de la charge mit fin à toute pensée plus douce. Au milieu des siens, l'apostat, élevé comme un dieu, était assis sur son char de soleil, idole d'une majesté divine, entouré de chérubins flamboyants et de boucliers d'or. Bientôt, il descendit de ce trône pompeux, car il ne resta déjà plus entre les deux armées qu'un espace étroit, intervalle effrayant. Et front contre front, elles présentaient arrêtées une terrible ligne d'une affreuse longueur. À la sombre avant-garde, sur le rude bord des bataillons avant qu'ils se joignissent, Satan, à pas immense et superbe, couvert d'une armure d'or et de diamants, s'avançait comme une tour. Abdiel ne put supporter cette vue. Il se tenait parmi les plus braves et se préparait aux plus grands exploits. il sonde ainsi son coeur résolu. Ô ciel, une telle ressemblance avec le Très-Haut peut-elle rester où la foi et la réalité ne restent plus? Pourquoi la puissance ne défaut-elle pas là où la vertu a failli? Ou pourquoi le plus présomptueux n'est-il pas le plus faible? Quoiqu'à le voir, Satan semble invincible, me confiant au secours du Tout-Puissant, je prétends éprouver la force de celui dont j'ai déjà éprouvé la raison fausse et corrompue. N'est-il pas juste que celui qui l'a emporté dans la lutte de la vérité l'emporte dans les armes, vainqueur pareillement dans les deux combats? Si le combat est brutal et honteux quand la raison se mesure avec la force, encore il est d'autant plus juste que la raison triomphe. Ainsi réfléchissant, il sort à l'opposite du milieu de ses pairs armés. Il rencontre à mi-voix son audacieux ennemi, qui, se voyant prévenu, en devient plus furieux. Il le défie ainsi avec assurance. « Superbe, vient-on devant de toi? Ton espérance était d'atteindre inopposé la hauteur où tu aspires, d'atteindre le trône de Dieu non gardé, et son côté abandonné par la terreur de ton pouvoir ou de ta langue puissante. Insensé, tu ne songeais pas combien il est vain de se lever en armes contre le Tout-Puissant, contre celui qui, des plus petites choses, aurait pu lever sans fin d'incessantes armées pour écraser ta folie, ou de sa main solitaire atteignant au-delà de toute limite, il pourrait d'un seul coup, sans assistance, te finir et ensevelir tes légions sous les ténèbres. Mais t'en aperçois-tu, tous ne sont pas à ta suite. Il en est qui préfèrent la foi et pitié envers Dieu, bien qu'ils te fussent invisibles alors qu'à ton monde, je semblais être dans l'erreur, en différant seul de la vie de tous. Tu la vois, ma secte, maintenant. Apprends trop tard que quelques-uns peuvent savoir quand des milliers se trompent. » Le grand ennemi, le regardant de travers d'un œil de dédain, « À la malheur pour toi, mais à l'heure désirée de ma vengeance, toi que je cherchais le premier, tu reviens de ta fuite, ange séditieux, pour recevoir ta récompense méritée, pour faire le premier essai de ma droite provoquée, puisque ta langue, inspirée de la contradiction, osa la première s'opposer à la troisième partie des dieux réunis en synode pour assurer leur divinité. Ceux qui sentent dans eux une vigueur divine ne peuvent accorder l'omnipotence à personne. Mais tu te portes en avant de tes compagnons, ambitieux que tu es de m'enlever quelques plumes, pour que ton succès puisse annoncer la destruction du reste. Je m'arrête un moment, de peur que tu ne te vantes, qu'on ait pu te répondre. Je veux t'apprendre ceci. Je crus d'abord que liberté et ciel ne faisaient qu'un pour les âmes célestes. Mais je vois à présent que plusieurs, par bassesse, préfèrent servir, esprits domestiqués, traînés dans les fêtes et les chansons. Tels sont ceux que tu as armés, les ménétriers du ciel, l'esclavage pour combattre la liberté. Ceux que sont leurs actions comparées, ce jour le prouvera. Le sévère Abdiel répond brièvement. Apostat, tu te trompes encore. Éloigné de la voie de la vérité, tu ne cesseras plus d'errer. Injustement, tu flétris du nom de servitude l'obéissance que Dieu, où la nature ordonne, Dieu et la nature commandent la même chose, lorsque celui qui gouverne est le plus digne et qu'il excelle sur ceux qu'il gouverne. La servitude est de servir l'insensé ou celui qui s'est révolté contre un plus digne que lui, comme les tiens te servent à présent. Toi, non libre, mais esclave de toi-même, et tu oses effrontément t'insulter à notre devoir? Règne dans l'enfer ton royaume. Laisse-moi servir dans le ciel Dieu à jamais béni, obéir à son divin commandement, qui mérite le plus d'être obéi. Toutefois, attends dans l'enfer non des royaumes, mais des chaînes. Cependant, revenu de ma fuite, comme tu le disais tout à l'heure, reçois ce salut sur ta crête impie. À ces mots, il lève un noble coup, qui ne resta point suspendu, mais tomba comme la tempête sur la crête orgueilleuse de Satan. Ni la vue, ni le mouvement de la rapide pensée, moins encore le bouclier, ne purent prévenir la ruine. 10 pas énormes il recule. Au dixième, sur son genou fléchi, il est soutenu par sa lance massive, comme si sur la terre, des vents sous le sol ou des eaux forçant le passage, eussent poussé obliquement hors de sa place une montagne, à moitié abîmée avec tous ses pins. L'étonnement saisit les trônes rebelles, mais une rage plus grande encore, quand ils virent ainsi abattus les plus puissants d'entre eux. Les nôtres, remplis de joie et de l'ardent désir de combattre, poussèrent un cri, présage de la victoire. Michel ordonne de sonner l'archangélique trompette. Elle retentit dans le vaste du ciel, et les anges fidèles chantent d'Hosanna au Très-Haut. De leur côté, les légions adverses ne restèrent pas à nous contempler. Non moins terribles, elles se joignirent dans l'horrible choc. Alors s'élevèrent une rageuse furie et des clameurs telles qu'on n'en avait jamais jusqu'alors entendues dans le ciel. Les armes, heurtant l'armure, crient en horrible désaccord. Les roues furieuses des chariots de rein rugissent avec rage. Terrible est le bruit de la bataille. Sur nos têtes, les sifflements aigus des dards embrasés volent en flamboyantes volées, et en volant voûtent de feu les deux hostes. Sous cette coupole ardente se précipitaient au combat les corps d'armée dans un assaut funeste et une fureur inextinguible. Tout le ciel retentissait. Si la terre eût été alors, toute la terre eût tremblé jusqu'à son centre. Faut-il s'en étonner, quand de l'un et de l'autre côté, fiers adversaires combattaient des millions d'anges, dont le plus faible pourrait manier les éléments et s'armer de la force de toute leur région? Combien donc 2 armées, combattant l'une contre l'autre, avaient-elles plus de pouvoir pour allumer l'épouvantable combustion de la guerre, pour bouleverser, sinon pour détruire leur fortuné séjour natal, si le roi tout-puissant et éternel, tenant le ciel d'une main ferme, n'eût dominé et limité leur force? En nombre, chaque légion ressemblait à une nombreuse armée. En force, chaque main armée valait une légion. Conduit au combat, chaque soldat paraissait un chef, chaque chef un soldat. Il savait quand avancer ou s'arrêter, quand détourner le fort de la bataille, quand ouvrir et quand fermer les rangs de la hideuse guerre. Ni pensée de fuite, ni pensée de retraite, ni action malséante qui marqua la peur, chacun comptait sur soi, comme si de son bras seul dépendait le moment de la victoire. Des faits d'une éternelle renommée furent accomplis, mais sans nombre, car immense et variée se déployait cette guerre. Tantôt combat maintenu sur un terrain solide, tantôt prenant l'essor sur une aile puissante et tourmentant tout l'air. Alors tout l'air semblait un feu militant. La bataille en balance égale fut longtemps suspendue, jusqu'à ce que Satan, qui ce jour-là avait montré une force prodigieuse et ne rencontrait point d'égal dans les armes, jusqu'à ce que Satan, courant de rang en rang à travers l'affreuse mêlée des séraphins en désordre, vit enfin le lieu où l'épée de Michel fauchait et abattait des escadrons entiers. Michel tenait à deux mains avec une force énorme cette épée qu'il brandissait en l'air, l'horrible tranchant tombait, dévastant au large. Pour arrêter une telle destruction, Satan se hâte et oppose au fer de Michel l'orbe impénétrable de 10 feuilles de diamant, son ample bouclier, vaste circonférence. À son approche, le grand archange sursite son travail guerrier, ravi dans l'espoir de terminer ici la guerre intestine du ciel, le grand ennemi étant vaincu, ou traîné captif dans les chaînes, il fronce un sourcil redoutable, et le visage enflammé, il parle ainsi le premier. Auteur du mal, inconnu et sans nom dans le ciel jusqu'à ta révolte, aujourd'hui, abondant, comme tu le vois, à ces actes d'une lutte odieuse, odieuse à tous, quoique par une juste mesure, elle pèse le plus sur toi et sur tes adhérents. Comment as-tu troublé l'heureuse paix du ciel et apporté dans la nature la misère, incréée avant le crime de ta rébellion? Combien as-tu empoisonné de ta malice des milliers d'anges, jadis droits et fidèles, maintenant devenus traîtres? Mais ne crois pas bannir d'ici le saint repos. Le ciel te rejette de toutes ses limites. Le ciel, séjour de la félicité, n'endure point les œuvres de la violence et de la guerre. Hors d'ici donc, que le mal, ton fils, aille avec toi au séjour du mal, l'enfer, avec toi et ta bande perverse. Là fomente des troubles, mais n'attends pas que cette épée vengeresse commence ta sentence, ou que quelque vengeance plus soudaine, à qui Dieu donnera des ailes, ne te précipite avec tes douleurs redoublées. Ainsi parle le prince des anges. Son adversaire répliqua. Ne pense pas par le vent de tes menaces imposer à celui à qui tu ne peux imposer par tes actions. Du moindre de ceux-ci as-tu causé la fuite, ou si tu les forças à la chute, ne se sont-ils pas relevés invaincus? Espérerais-tu réussir plus aisément avec moi, arrogant, et avec tes menaces me chasser d'ici? Ne t'y trompe pas. Il ne finira pas ainsi le combat que tu appelles mal, mais que nous appelons combat de gloire. Nous prétendons le gagner, ou transformer ce ciel dans l'enfer dont tu dis des fables. Ici, du moins, nous habiterons libres si nous ne régnons. Toutefois, je ne fuirai pas ta plus grande force. Quand celui qu'on nomme le Tout-Puissant viendrait à ton aide, de près comme de loin, je t'ai cherché. Ils cessèrent de parler, et tous deux se préparèrent à un combat inexprimable. Qui pourrait le raconter, même avec la langue des anges? À quelle chose pourrait-on le comparer sur la terre, qui fussent assez remarquables pour élever l'imagination humaine à la hauteur d'un pouvoir semblable à celui d'un dieu? Car ces deux chefs, soit qu'ils marchassent ou demeurassent immobiles, ressemblaient à des dieux par la taille, le mouvement, les armes, faits qu'ils étaient pour décider de l'empire du grand ciel. Maintenant leurs flamboyantes épées ont doigt et décrivent dans l'air des cercles affreux. Leurs boucliers, deux larges soleils, resplendissent opposés, tandis que la tente reste dans l'horreur. De chaque côté, la foule des anges se retira précipitamment du lieu où la mêlée était auparavant la plus épaisse et laissa un vaste champ où il n'y avait pas sûreté dans le vent d'une pareille commotion. Tel, pour faire comprendre les grandes choses par les petites, si la concorde de la nature se rompait, si parmi les constellations la guerre était déclarée, telles deux planètes précipitées sous l'influence maligne de l'opposition la plus violente, combattraient au milieu du firmament et confondraient leurs sphères ennemies. Les deux chefs lèvent ensemble leurs menaçants bras qui approchent en pouvoir de celui du Tout-Puissant. Ils ajustent un coup capable de tout terminer, et qui, n'ayant pas besoin d'être répété, ne laisse pas le pouvoir indécis. En vigueur ou en agilité, ils ne paraissent pas inégaux. Mais l'épée de Michel, tirée de l'arsenal de Dieu, lui avait été donnée, trempée de sorte que nul autre, par la pointe ou la lame, ne pouvait résister à ce tranchant. Elle rencontre l'épée de Satan, et descendant pour frapper avec une force précipitée, la coupe nette par la moitié. Elle ne s'arrête pas, mais d'un rapide revers entrant profondément, elle fend tout le côté droit de l'archange. Alors, pour la première fois, Satan connut la douleur, et se tordit çà et là convulsé. Tant la tranchante épée, dans une blessure continue, passa cruel à travers lui. Mais la substance éthérée, non longtemps divisible, se réunit. Un ruisseau de nectar sorti de la blessure se répandit couleur de ce sang tel que les esprits célestes peuvent en répandre, et souilla son armure, jusqu'alors si brillante. Aussitôt son aide accoururent de tous côtés un grand nombre d'anges vigoureux qui interposèrent leur défense, tandis que d'autres l'emportent sur le bouclier sur son char, où il demeura retiré loin des rangs de la guerre. Là, ils le déposèrent, grinçant des dents de douleur, de dépit et de honte, de trouver qu'il n'était pas sans égal. Son orgueil était humilié d'un pareil échec, si fort au-dessous de sa prétention d'égaler Dieu en pouvoir. Toutefois, il guérit vite, car les esprits qui vivent en totalité, vivant entiers dans chaque partie, non comme l'homme frêle dans les entrailles, le cœur ou la tête, le foie ou les reins, ne sauraient mourir que par l'anéantissement. Ils ne peuvent recevoir de blessures mortelles dans leur tissu liquide, pas plus que n'en peut le recevoir l'air fluide. Ils vivent tout cœur, toute tête, tout œil, toute oreille, tout intellect, tout sens. Ils se donnent à leur gré des membres, et ils prennent la couleur, la forme et la grosseur qu'ils aiment le mieux, dense ou rare. Cependant, des faits semblables, et qui méritait d'être remémoré, se passait ailleurs, là où la puissance de Gabriel combattait. Avec de fières enseignes, il perçait les bataillons profonds de Moloch, roi furieux, qui le défiait et qui menaçait de le traîner attaché aux roues de son char. La langue blasphématrice de cet ange n'épargnait pas même l'unité sacrée du ciel. Mais tout à l'heure, fendu jusqu'à la ceinture, ses armes brisées, et dans une affreuse douleur, il fuit en mugissant. À chaque aile, Uriel et Raphaël vainquirent d'insolents ennemis Adramalek et Asmodée. Quoique énormes et armés de rochers de diamants, deux puissants trônes qui dédaignaient d'être moins que des dieux. Leur fuite leur enseigna des pensées plus humbles, broyés qu'ils furent par des blessures effroyables, malgré la cuirasse et la côte de maille. Abdiel n'oublia pas de fatiguer la troupe athée. À coups redoublés, il renversa Ariel, Arioch et la violence de Ramiel, écorchés et brûlés. Je pourrais parler de mille autres, mais éterniser leurs noms ici sur la terre. Mais ces anges élus, contents de la renommée dans le ciel, ne cherchent pas l'approbation des hommes. Quant aux autres, bien qu'étonnants en puissance, en action de guerre et avides de renommée, comme ils sont parés d'effacer du ciel et de la mémoire sacrée, laissons-les habiter sans nom le noir oubli. La force séparée de la vérité et de la justice, indigne de louange, ne mérite que reproche et ignominie. Toutefois, vaine et arrogante, elle aspire à la gloire et cherche à devenir fameuse par l'infamie. Que l'éternel silence soit son partage. Et maintenant, leur plus puissant chef s'abattu, l'armée plia par plusieurs charges enfoncées. La déroute informe et le honteux désordre y entrèrent. Le champ de bataille était semé d'armes brisées. Les chars et leurs conducteurs, les coursiers de flammes écumants, étaient renversés en monceaux. Ceux qui restent debout reculent, et accablés de fatigue dans l'hoste satanique exténué, qui se défendent à peine, surpris par la pâle frayeur et par le sentiment de la douleur, ces anges fuient ignominieusement, amenés à ce mal par le péché de la désobéissance. Jusqu'à cette heure, ils n'avaient été assujettis ni à la crainte, ni à la fuite, ni à la douleur. Il en était tout autrement des inviolables saints. D'un pas assuré, en phalange carrée, ils avançaient entiers, invulnérables, impénétrablement armés. Tel était l'immense avantage que leur donnait leur innocence sur leurs ennemis. Pour n'avoir pas péché, pour n'avoir pas désobéi, au combat, ils demeuraient sans fatigue, inexposés à souffrir des blessures, bien que de leur rang par la violence écartée. Fin du livre 6, première partie. Enregistrement par Thomas Copeland.